Chapitre 9e. Moscou, en voiture de l'aéroport à la résidence du Premier ministre, 28 décembre. Arrivé à Cheremetyevo en descendant de l'avion, Koslov vit qu'une voiture l'attendait sur le tarmac. Il prit congé de Zidov puis se dirigea vers le véhicule aux vitres fumées. Un garde du corps lui ouvrit la porte. Il découvrit la plantureuse et pimpante rousse Nadia Vorobiova au profond regard bleu. Elle l'invita avec un éclatant sourire à monter et à s'asseoir près d'elle. « Bonjour Alexandre, avez-vous fait bon voyage ?» Tout en saluant la ministre de la Culture, Koslov acquiesça. « Le Premier ministre Dimitri Anatolievitch Kozakov désire vous voir ce soir. Il est en audience. Il m'a demandé d'organiser votre accueil jusqu'à l'heure du rendez-vous. » L'automobile démarra, entouré de motards qui déclenchèrent leurs sirènes pour ouvrir le chemin. Il y avait affluence. Tous les moscovites rentraient chez eux après une rude journée de labeur. Koslov n'osait croire que c'était son rapport qui lui valait une telle réception. « Volkodlak, » susurra la ministre. « Vos Volkodlak doivent sortir des ténèbres. »« Tiens, » se dit Koslov, « Nadia fait allusion à mon rapport. » Il fut comblé. Comme tout russe cultivé, elle savait que les Volkodlak étaient les créatures mythologiques connues des Slaves anciens et qui étaient au cœur des spéculations mystiques d'Elena Petrovna Blavatsky dans son Isis dévoilée. Elle n'ignorait pas non plus que, sorte de loup-garou, guerrier mi-homme mi-lou, il formait la garde personnelle d'Iarilo, dieu antique de la jeunesse, de la passion, de la virilité et de la nature qui se réveille. Koslov précisa que, carnassier, il s'attaquait indifféremment aux hommes et aux animaux, que leur transformation s'opérait de façon volontaire face au péril ou de manière involontaire en fonction des phases du cycle lunaire. Il ajouta que dans le folklore russe, les Volkodlak étaient d'une éternelle jeunesse, que leurs tissus se régénéraient constamment et qu'ils étaient pratiquement immortels. Nadia, ne voulant pas demeurer en reste, ajouta que ces loups-garous ne faisaient pas d'eux des créatures craintes par les enfants, comme pouvaient l'être leurs cousins occidentaux. « Bien au contraire, » dit-elle, « leur force et leur résistance faisaient l'objet d'une grande admiration, voire d'un culte pour la faune gothique et rebelle, qui traînait la nuit autour de la place Mayakovskaya à Moscou. » Koslov conclut que les Volkodlak ne s'en prenaient jamais aux habitants de leur village qui, généralement, les reconnaissaient et les nourrissaient. Nadia Vorobiova se redressa dans son siège, le gratifia à nouveau d'un sourire. Il ne l'avait jamais vu se comporter ainsi. Cela eut pour effet de le ramener directement à la réalité. « Volkodlak, » dit-elle enfin, « c'était osé comme titre d'un rapport officiel sur l'avenir de la mère patrie. Je vous savais homme de culture, féru de toutes ces vieilleries folkloriques, mais je ne vous aurais jamais cru si... » Elle hésita sur le mot à employer. « Si, » reprit-elle, « audacieux. » Alexandre Koslov chercha ce que cachait cet adjectif pour qualifier sa contribution. Il dévisagea la ministre de la Culture pour tenter d'en savoir plus. Elle resta imperturbable. Il n'y avait pas à dire, cette blonde vénitienne était magnifique. Il l'admira et se demanda jusqu'à quel point elle avait eu accès à la lecture de son rapport. Il se rappelait parfaitement que la consigne de classification spécifiait qu'il convenait de faire remonter les notes à l'attention du président Vladimir Vladimirovitch Popov par le canal réservé. Peut-être ne connaissait-elle que le nom du rapport ou glané des bribes entre deux conversations. Sa vieille prudence se remit en alerte. Mais elle était femme, une femme importante et influente. Il ne fallait pas non plus la mépriser, ou lui laisser entrevoir une quelconque défiance. Il se décida donc à lui expliquer le sens caché du titre, en espérant que cette friandise comblerait son appétit. « Naguère, quand j'étais enfant, dit Koslov, j'avais un cousin étrange, Churik. Il avait une trentaine d'années et s'était laissé pousser la barbe. Il vivait chez sa mère, mais régulièrement il quittait le village. Certains prétendaient que c'était un mystique, un pop, qui gagnait son ermitage et y célébrait le culte pour une poignée de vieilles femmes qui ne se résolvaient pas à l'athéisme d'État. D'autres disaient que c'était un fou dangereux, avec le physique d'un Rasputin. On racontait sur lui qu'il avait un jour pris l'argent de la retraite de Baba Lipa, sa mère, ma grand-mère, et qu'il était parti en train pour un long voyage en Transsibérien d'Oulan-Udé à Moscou. À son retour, il parlait aux objets, particulièrement à sa théière dont il pouvait, pendant de longues minutes, regardez sortir la fumée. Il finissait par la fracasser contre un mur au motif qu'elle réfléchissait trop. Tandis que le véhicule filait à vive allure, que Nadia buvait ses paroles, Koslov poursuivit. Prêtre ou illuminé, chacun avait son idée sur la question. Personne n'osait parler de lui de peur d'éveiller les soupçons du KGB, qui, même s'il n'était guère présent dans nos petits villages, disposait toutefois d'un bon réseau d'informateurs et de délateurs. À y repenser, je me demande comment le cousin Chourik a pu échapper toute sa vie au système. Fui par les adultes, il n'avait pour auditoire que sa mère et quelques enfants du village qui, comme moi, n'avions pas peur de sa légende et de son regard de fou. Je l'accompagnais souvent sur le bord de la rivière. Assis sur la berge, il pouvait tremper les pieds dans l'eau durant des heures. Moi, je jetais une ligne pour me donner une contenance. C'était surtout ses histoires que je venais pêcher. Il passait des heures à me raconter le folklore des anciens Russes. Il mêlait magie et mythologie dans un sabir dont parfois je ne comprenais même pas le sens. Les Volkodlaks tenaient une place importante dans cet univers. Dans son monde, parfois même j'avais l'impression qu'il me parlait si bien d'eux, du feu noir qui les rongeait et de leur force inhumaine, que je venais à me convaincre qu'il était l'un d'eux. Un jour, il me dit que dans la nation des lycanthropes qui peuplait la planète jusque dans ses parties les plus obscures et reculées, le Volkodlak russe était le plus puissant et le plus craint, car il ne mourait pas vraiment et que même mort, il devenait un vampire. Bien des années plus tard, quand je fus autorisé à faire mon doctorat d'histoire au Québec, j'eus l'occasion de lire une abondante littérature sur les loups-garous et sur les vampires. Dans leur décadence, les Nord-Américains n'ont plus de repères moraux. De créatures maléfiques, ils en font des héros qu'ils donnent en modèle à leur jeunesse. Plus d'une fois, je repensais aux leçons du cousin Chourik. Je songeais qu'une créature surnaturelle, qui quittait une immortalité pour s'en offrir une autre, était un être redoutable. Manifestement, ce mélange de confessions intimes et de mythologie captivait la ministre de la Culture. Koslov comprit qu'elle venait de substituer à sa préoccupation politique une curiosité toute féminine. Il continua donc. Cette image de super-héros des ténèbres, supérieur en tout point à ses homologues des pays capitalistes, me plaisait beaucoup. Il était pour moi le Novi-Sovietski Tchelovek, l'homme nouveau soviétique, dont toute une société intellectuelle et avancée attendait l'avènement. Alexei Stakhanov, le légendaire mineur du Donbass, dans le recoin sombre de sa mine de Tsentralnaya Irmino, ainsi que les perforateurs qui l'accompagnaient, étaient des Volkodlaks. Mon cousin Chourik en était convaincu. Pour lui, il était inconcevable qu'un individu puisse extraire à lui seul plus de 100 tonnes de charbon en moins de 6 heures. Ce ne pouvait être qu'un Volkodlak. Il voulait savoir ce que j'en pensais. Dès lors, pour moi, le Volkodlak était un Russe puissant et résistant, fort de ses traditions, et sans doute plus apte que n'importe quel autre humain à survivre dans notre monde dangereux et mouvant. Koslov reprit son souffle et glissa Nadia Vorobiova, restée muette et admirative. Donc, tout naturellement, quand le président a demandé dans le mémo adressé à quelques-uns d'entre nous de réfléchir sur les moyens de garantir durablement la grandeur retrouvée de la Russie, je n'ai pas eu le moindre doute sur ceux qui pourraient en être les acteurs et les plus ardents défenseurs, les Volkodlaks. À cet instant, les sirènes de l'escorte motorisée se turent. Une barrière se leva. La ZIL s'arrêta dans le parc de la Maison-Blanche, siège du gouvernement russe et lieu d'exercice du Premier ministre. Koslov en profita pour retourner à la ministre de la Culture son charmant sourire d'accueil. Peu lui importait ce qui l'attendait. À présent, il savourait le plaisir de fouler, après plus d'un mois d'absence, le sol natal. À leur descente de voiture, ils furent accueillis par un agent des services de l'administration présidentielle. Koslov reconnut son gendre, le lieutenant-colonel Ivan Kirillovitch Kuznetsov, en l'homme aux cheveux noirs d'une 40aine d'années, à la fois grand et musculeux, au visage stoïque et au regard inquisiteur. Le chef d'état-major adjoint resta imperturbable, salua les visiteurs du soir et exécuta l'ordre de la ministre qui lui dit « Conduisez-nous au salon de réception. Notre hôte va prendre une collation avant que le premier ministre ne le reçoive. »